Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure de votre plage d'actu locale avec le Mag. Et aujourd'hui, ce mag est dédié à la cérémonie des lauréats du budget participatif de la ville d'Amboise qui s'est tenue ce 20 janvier. Un dispositif de démocratie participative pour lequel la ville a consacré 50 000 euros afin de permettre aux habitantes et habitants de proposer, construire et choisir des projets concrets pour leur commune. Participation en hausse, porteurs de projets mobilisés, idées plus nombreuses et plus abouties, le bilan est très positif. On commence par écouter Emma Delière, chargée de mission démocratie permanente, qui dresse le bilan de cette édition, notamment en termes de participation. On l'écoute avant d'entendre Lionel Chisson, adjoint au maire d'Amboise, délégué à la démocratie participative. La soirée, elle s'est très bien passée. Il y avait beaucoup de monde, plus de monde que l'an dernier, puisqu'il y a plus de projets lauréats que l'année dernière. Tout le monde a pu présenter son projet, même les gens qui étaient un peu timides au début, finalement, quand ils ont vu l'ambiance, ils ont voulu aussi partager le pourquoi du comment de leur projet. Donc c'est un bilan très positif pour moi. Très bien. Il y avait une mixité dans ces participants. D'ailleurs, monsieur le maire l'a souligné. Oui, vraiment, parce qu'on a des participants qui sont des citoyens, des citoyennes comme vous et moi, et puis on a des collectifs, et on a des associations, il y a une école. Donc en fait, il y a plein d'organisations différentes, de structures, de gens. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis des enfants, on peut le souligner aussi. Oui, il y avait les enfants du CME qui avaient proposé un projet de silhouette aux abords des écoles et qui a eu un grand succès, qui a obtenu assez de votes. Donc le CME avait déposé deux projets et c'était le projet des silhouettes qui était passé au vote. Donc ils étaient là en nombre, puisqu'ils étaient 7 ou 8 pour venir présenter leur projet. Donc, En tout cas, bravo pour la coordination de tout ça, Emma, parce que voilà, les auditeurs sont sans doute au courant, mais Radioactive fait partie des lauréats. On a pu constater des échanges réguliers et de qualité avec toi, Emma. Donc merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et puis comme disait Monsieur Chisson, sans les porteurs de projets, il n'y a pas de budget participatif. Donc merci à vous. Merci beaucoup, Emma. Lionel Chisson, on vient de l'évoquer, il est avec nous, bien sûr. Vous êtes adjoint à la culture et élu aussi à la démocratie participative. Un mot sur cette soirée et puis peut-être une liste aussi de nos lauréats. Alors, sur la soirée, c'est un petit peu comme Emma, c'est beaucoup de satisfaction parce que ça fait 2 ans qu'on a lancé les budgets participatifs et puis on voit que la dynamique reste, donc on avait un petit peu plus de votants, beaucoup plus de votes. Les gens ont voté pour plus de projets cette fois-ci que la première fois, donc ça c'est vraiment une satisfaction. Beaucoup de projets déposés, quasiment autant que la première fois. Et au final, on en avait plus au vote, donc ça veut dire que les projets étaient un petit peu plus aboutis, et qu'il y avait plus de projets éligibles. Donc ça c'est une vraie satisfaction de cette dynamique citoyenne qui s'inscrit à Amboise. Donc ça c'était la première satisfaction. Grosse satisfaction de voir la mobilisation des porteurs de projets, parce que, comme on l'a dit, sans porteurs de projets, il n'y a pas de budget participatif, donc ils sont essentiels. Et ils ont un cran au-dessus dans l'implication citoyenne en déposant des projets. Et donc j'étais très content de pouvoir les remercier. Ils étaient nombreux là pour présenter leurs projets. Donc ça aussi, c'était une vraie satisfaction et je veux vraiment les remercier parce que sans eux, il n'y a pas de budget. Derrière, bien évidemment, il faut remercier tous les citoyens, citoyennes, alors habitants, habitantes, hein, plus exactement d'Amboise, parce qu'on peut dès 10 ans voter. Il suffit d'habiter à Amboise. Qui sont mobilisés sur ce budget. Et puis, c'est aussi beaucoup de satisfaction sur, comme on l'a dit hein, déjà, beaucoup de diversité. Moi, je défends la diversité, c'est important d'avoir de la diversité. Et donc, la diversité, on la voyait aussi ce soir, avec des projets portés par différents types de structures, et puis des projets très différents, des projets plutôt vers l'environnement. Il y avait notamment une borne pour réparer les vélos qui a été lauréate. Donc là, on est dans la mobilité douce, dans la mobilité pour demain. Et une des personnes qui présentait le projet parlait justement de l'avenir de sa petite fille. Et on travaille aussi à encourager les mobilités douces, donc le vélo. Dans le même esprit, il y a une piste vélo pour aider tous ceux qui veulent se perfectionner ou apprendre à faire le vélo, que ce soit des écoles ou des individuels, enfin des gens qui viennent comme ça, qui devra pouvoir être mis en place. Donc là, c'est comme je l'ai expliqué, hein, le temps de la réalisation parfois est un peu plus long que le temps du vote parce qu'il faut demander des autorisations, trouver le lieu adéquat, etc. Donc des fois, ça prend un peu de temps. Quand on est élu, il faut apprendre la patience et pour le budget participatif, il y a aussi des fois ces dimensions de patience à avoir. Donc là, on était toujours sur le vélo. Et puis après, il y avait d'autres beaux projets qui ont été lauréats. Celui du conseil municipal des enfants, où là on est sur la protection des passages pour piétons. Alors on a retenu deux écoles où il y a des rues assez passantes, Jules Ferry et Paul-Louis Courrier, pour pouvoir essayer d'améliorer la sécurisation sur la base d'un projet donc, de silhouette d'enfants pour alerter les conducteurs, proposé par le conseil municipal des enfants. On avait aussi un projet d'un atelier de redynamisation porté par le collectif ARC, qui fait partie de la MJC. Donc là aussi, c'est un beau projet, essentiellement porté par des femmes, pour redynamiser et aider ceux qui sont en difficulté pour se relancer, pour être plus à l'aise et affronter notre monde qui n'est pas toujours facile. Et ça, c'était un beau projet à soutenir. Toujours dans le même esprit, on avait dans le même esprit de solidarité, on avait un atelier de couturière solidaire, oui. Les Doigts d'Or, qui avait fait l'objet d'un très bel article dans l'ANR il y a quelques jours. Et ça n'a rien à voir puisque nous, on avait déjà les résultats avant l'article, hein, c'était pas lié. Mais n'empêche que ce collectif, c'est non seulement des femmes alors, du quartier ou d'ailleurs hein, qui se rassemblent plus donc, sur le mal-étrenne, mais elles le font en plus pas seulement pour faire de la couture pour elles, elles font de la couture solidaire, notamment vis-à-vis des femmes qui ont besoin d'être aidées, alors autour de serviettes hygiéniques, mais aussi demain de bandeaux pour des femmes qui auraient des problématiques de cancer. Donc on voit, il y a vraiment une dimension solidaire, donc on va pouvoir les aider à racheter des machines, etc. Donc là aussi, un très beau projet. Donc je crois que tu les avais reçus à Radioactive. Donc... Mais j'étais allée les voir à la SAGE. Donc cette association va pouvoir développer mieux encore ses activités, donc ça c'est super. On avait un autre projet aussi autour de la solidarité et de l'environnement pour éviter les gaspilles, autour d'un frigo solidaire où des gens peuvent y mettre des choses, notamment ça peut être des restaurateurs, mais pas seulement, qui seraient encore à manger. Et puis d'autres personnes qui sont dans le besoin peuvent pouvoir en bénéficier. Donc là aussi, il va falloir qu'on trouve l'endroit où le mettre, comment on le gère, etc. Donc il y a un petit peu de travail de mise en place, mais c'est un beau projet. Et puis, on avait alors d'autres projets autour de l'école Georges Sand, où là, c'est un projet pour avoir une belle bibliothèque pour les enfants de l'école. Ils n'en avaient plus. Georges Sand, c'est un peu éloigné de la médiathèque. C'est compliqué pour eux d'y aller. Donc, avoir une belle bibliothèque en interne pour que les enfants puissent emprunter des livres, c'est vraiment important. Donc tous les enfants comme ça de l'école pourront avoir accès plus facilement à la lecture. Donc ça, ce projet-là, ça a mobilisé le quartier en plus. Les enseignants ont travaillé pour essayer de mobiliser le quartier. Donc c'est un beau projet qui a été porteur pour l'ensemble du budget participatif et pour l'école. Et donc ça, c'était aussi une belle satisfaction. Alors toujours dans un esprit un peu autour de l'environnement et puis du patrimoine. Donc forcément, moi, ça me concerne en tant qu'adjoint à la culture, au patrimoine, et puis amoureux de l'environnement, de la nature. Il y a l'association Chandon Environnement qui a proposé de réparer un projet de réparation de la pompe du lavoir de la fontaine Chandon. Donc c'est aussi une façon de valoriser ce lieu, qui est un endroit très très mignon, un peu vallonné, juste à la sortie d'Amboise, en allant vers Lusseau. Un endroit à découvrir qui sert de temps en temps pour de relais, sur des courses, par exemple, la Nuit des Rois, etc. Mais la pompe ne fonctionnait plus. Donc, pour le coup, de nouveau, le lavoir, alors, il ne sera peut-être pas utilisé pour laver le linge, mais en tout cas, il pourra avoir une pompe qui fonctionne. Et c'est une façon aussi de faire un éclairage et puis de valoriser cet endroit. Donc ça, c'était aussi un beau projet qui a été soutenu et qui fera l'objet d'une réalisation prochainement. Voilà. Et puis, il y a quand même un projet aussi citoyen qui était porté par Radioactive pour pouvoir, au-delà de l'activité de Radioactive, être plus présent auprès des citoyens pour pouvoir plus facilement aller voir leurs projets, les soutenir, les écouter avec un studio mobile. Donc ça aussi, ça a été soutenu par les habitants. Donc on est content pour vous et pour le Val d'Amboise, où vous allez pouvoir encore mieux travailler dans votre rôle de radio de proximité. Absolument, et il faut que je vous confie quelque chose quand même, c'est que pour avoir vu plein de partenaires et plein d'habitants ce soir, mais on a un peu voté aussi les uns pour les autres. Et ça renforce aussi un lien de solidarité entre associations, de se dire, tiens, moi j'ai soutenu ton projet, moi aussi j'ai soutenu le tien. Donc c'est plutôt chouette. Hein. Oui, c'est ça aussi, c'est faire du lien. Un budget participatif, on le voit parce que j'ai donné cet exemple, mais parfois il y a des gens qui ont la même idée. Et donc nous, ce qu'on fait via Emma, hein, c'est qu'on les met en lien pour pouvoir présenter le même projet ensemble. Alors des fois, il y a des petites différences, mais au bout du bout, finalement, ça fait un seul projet à mettre au vote. Donc là aussi, ça crée du lien. Le budget participatif, alors moi je défends ce qu'on appelle la démocratie permanente, ça veut dire qu'on fait de la démocratie pas seulement pendant les élections, mais on en fait tout le temps, pendant tout un mandat. Et un budget participatif, c'est un outil assez fort pour faire ça, parce que ça permet de donner la voix aux citoyens pour voter les projets, à d'autres d'en proposer, donc d'être proposants de projets qui vont pouvoir voir le jour dans l'espace public. Et puis ça crée des liens entre eux, ça crée des choses positives sur le territoire. Et donc c'est vraiment un levier très très important auquel on est très attaché. On espère qu'on va pouvoir continuer avec l'expérience qu'on a des deux premiers, l'améliorer et puis vraiment continuer cette expérience de budget participatif pour l'inscrire durablement dans le territoire du Val d'Amboise, d'Amboise en particulier et du Val d'Amboise, pourquoi pas. Alors en tout cas, nous, on continuera à Amboise, c'est vraiment l'objectif. Et c'est vrai que si on pouvait avoir aussi un budget participatif au niveau de la communauté de communes, moi, je trouverais que ça serait pas mal. Ça permettrait aussi à ce qu'il y ait des actions qui se fassent aussi, y compris à Amboise, puisque c'est quand même la moitié de la Com-Com, mais aussi dans d'autres communes. Donc c'est quelque chose que moi, que j'aimerais bien qu'on puisse porter auprès de la Com-Com, qu'il puisse y avoir aussi cette démarche-là qui est très féconde. On l'a à Amboise, il faut continuer. Si on pouvait l'avoir aussi au niveau de tout le territoire du Val d'Amboise, ça peut être pas mal aussi en plus, quoi. Ça ferait deux budgets participatifs sur le territoire, ce serait bien. Bah écoutez, on espère que vous serez entendu. Donc maintenant, on passe à la phase plus difficile, qui va être parfois très simple de la mise en place. Et puis parfois, c'est un petit peu plus long. Donc on a pas mal de choses qui ont été mises en place sur le premier budget participatif. Là, on voit que un des gros projets du budget participatif, le premier, c'était la mise en place de fontaines. On commence à se rapprocher des premières fontaines. On a les modèles de fontaines qui ont été retenus, validés par les ABF. On a des premières localisations qui commencent à être bien identifiées. Donc on espère que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, on va avoir nos fontaines qui vont sortir. Et des fois, il faut être un peu patient, un peu opiniâtre. Mais les projets avancent et c'est des projets citoyens. Donc c'est bien, quoi, parce que... Et d'ailleurs, des citoyens tirés au sort sont amenés à du coup pouvoir donner aussi leur avis et participer finalement à la faisabilité de ces projets. C'est quoi leur réaction quand vous les appelez? Vous avez été tiré au sort, vous êtes l'heureux désigné à participer? Bah, pour être, Emma, tu pourras compléter, mais pour être très honnête, en fait, on tire au sort 20 citoyens au départ. 30 même cette année, on avait 20 et puis finalement on en a tiré 30 au sort. Donc on fait ça en commission municipale, on tire au sort 30 citoyens à qui maintenant on écrit à tous pour voir s'ils sont d'accord ou pas pour participer. Okay. Alors on est obligé d'en tirer beaucoup au sort parce qu'en fait c'est pas si simple que ça pour que les gens nous disent oui pour participer. Ouais. Et l'objectif étant d'en avoir 3 au bout du bout. Donc le tirage au sort fait que si le premier dit oui, la première année je crois que le premier a dit oui, donc pour le coup lui il va y être pris. Donc après on respecte l'ordre, mais s'il faut aller jusqu'au 25e, tous les autres avant ont dit non, ça peut être le 25e. Le cas échéant, on n'a jamais été obligé de le faire, on pourrait refaire un tirage au sort. Donc en fait c'est pas si simple. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle hyper important parce que ces citoyens, dans nos commissions de suivi, ils ont aussi un œil citoyen. Ça leur permet de comprendre un peu les contraintes, parce qu'il y en a pas mal, et que c'est pas si simple, mais ça permet aussi d'avoir un œil extérieur par rapport à nos discussions, nous aussi avec les agents. Il y a des élus, des agents et des citoyens. Je trouve que ça complète bien le dispositif de budget participatif avec un autre élément de démocratie participative. Ouais. Les citoyens tirés au sort qui peuvent donner leur avis sur les projets, quels sont ceux qui sont éligibles, pas éligibles, pourquoi. Nous, ça nous oblige à expliquer pourquoi ils ne sont pas éligibles. Et eux, en général, on ne travaille qu'au consensus. Hein. Depuis 2 ans, on n'a jamais été amené à voter ou que sais-je. Hein. On a toujours été dans le consensus. Mais c'est hyper important. Et ça, les gens, quand ils viennent, ils sont assez contents. Souvent, ils viennent à une ou deux réunions, pas forcément à toutes. Mais la plupart du temps, quand ils viennent, ils sont plutôt contents. Oui. Ça les a intéressés, ils ont appris des choses. Ils ont pris un peu conscience de la difficulté. C'est pas simple quoi, de mettre en place des choses au niveau d'une municipalité. Des fois, il y a beaucoup de contraintes. Il y en a qui découvrent le dispositif quand vous leur écrivez Tous, il n'y en a aucun qui connaît le budget participatif. Et pour... Alors qu'il y a pourtant une belle com autour de ça. Oui, mais après, c'est comme tout, hein, on a l'impression. Mais sur la réaction, en fait, la plupart, c'est... Oui, il n'y a pas de réaction, donc il n'y a pas de retour. Des fois aussi, les adresses renseignées sur la liste électorale ne sont pas les bonnes, donc il y a quand même beaucoup d'enveloppes qui reviennent. Et oui, les deux fois, on a attiré au sort beaucoup de gens et 3 personnes ont répondu à chaque fois. Mais par contre, les personnes qui ont répondu, elles étaient assez enthousiastes. Mmh, d'accord. Donc après, ça fait plaisir. Il y en a même qui avouent qu'ils n'ont pas voté. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont... L'an dernier, par exemple, c'était... Oui, il y en avait deux. Ils avaient... Deux travailleurs, enfin, je ne sais pas, ils étaient pas très tout, peu pas impliqués ouais, dans... dans la vie citoyenne. Mais là, ils étaient là pour discuter avec nous et tout, donc c'est... C'est super aussi de pouvoir tirer au sort. Et puis c'est un moyen de les impliquer, pour le coup. Il n'y a pas mieux. Ouais, et puis le tirage au sort, par définition, ça peut tomber sur n'importe qui. Ouais. Donc après, il faut que les gens soient quand même volontaires. Donc ça a vraiment cette vertu-là. On ne peut pas le faire pour tout, hein, bien évidemment, mais un peu de tirage au sort dans certains dispositifs, ça peut donner un petit air frais, une petite note un peu différente. Ce qui est important, c'est qu'on voit aussi que ça veut dire que c'est des dispositifs qu'il faut qu'ils s'ancrent petit à petit et qu'il faut que ça redevienne quelque chose de connu. Et c'est pour ça qu'on était content d'avoir maintenu quand même un haut niveau d'engagement des citoyens en termes de vote. Mais c'est petit à petit qu'on va pouvoir, je dirais, installer vraiment ce dispositif dans l'esprit des gens. Et là, je pense que les gens qui étaient là ce soir, qui ont porté des projets, la plupart, ils ont voté. La prochaine fois, ils voteront aussi parce qu'ils se sont sentis concernés. Il y a même une habitante qui m'a dit... vous me reverrez l'année prochaine avec plein de projets. Donc, voilà. Ouais, je pense que les gens qui proposent des projets, ils se disent ça peut être intéressant. Oui, en fait, quand tu vois que c'est voté, que ça a de l'écho, ça les motive. Ouais. En tout cas, bravo Emma, parce qu'il faut savoir qu'elle est incorruptible, Emma, puisque à un moment donné, je l'ai contactée pour savoir on en est où un petit peu des votes. Est-ce que, ça, je ne peux pas le dévoiler. Et voilà, donc très très bien, bravo Emma. Oh, c'était un test en fait. J'ai bien fait de pas dire. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour cette belle soirée. Merci d'avoir valorisé les citoyens et leurs projets. Et on souhaite une longue vie à ce dispositif qu'est le budget participatif de la ville d'Amboise. Merci Marlène et merci à tous et à toutes d'avoir voté et participé à ce budget participatif. Et puis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Des projets plus nombreux, mieux aboutis, une forte mobilisation des porteurs de projets, une dynamique encourageante pour la démocratie locale qui confirme l'intérêt des habitants pour ce dispositif et leur envie de s'impliquer concrètement dans la vie de la commune. Merci à Emma Delière et Lionel Chisson pour leur témoignage. Et bravo aux lauréats du budget participatif de la ville d'Amboise. C'est la fin de ce mag, à demain pour un nouveau numéro. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.